宁广播电台新年广播 98.2兆赫 AM927千赫，聆听未来，生命不同。 每颗年轻的心都是一个特立独行的世界，不沉迷过去，也不虚构未来，轻狂着别人的成规，握守着自己的勇敢。年轻不计年龄 FM98.2兆赫 AM927千赫，生而不同。 大家好，我是北京人民广播电台台长赵维东，欢迎收听 FM982 北京青年广播，年轻的声音就在这里。 活力982，生而不同。大家好，我是北京人民广播电台总编辑王秋，祝贺北京青年广播 FM982 盛夏绽放，热力开播。 活力982，生而不同。大家好，我是北京人民广播电台副总编辑李秀磊，祝贺北京青年广播 FM98.2 盛夏绽放，热力开播。 吃早餐啦！ 今天你想吃什么？ 来份豆浆油条。 我知道你和我就像是豆浆油条。 或者开水配白面包。 开水与白面包。 再或者，哦，来一杯卡布奇诺也不错。 没问题，活力音乐早餐，填饱你的耳朵，欢迎光临活力 Music 课。 是撩人，天理无边无际无穷，乌云将盲人追梦。 Always ahead， 背影总在最最前面，不想沿着现实攀岩，蠢蠢欲动，未来决定在我。不管你是怎么看我，不用分类，我的天真 当你还没相信，也还 在流浪，冰冷中的太阳，浅蓝色的 界，此刻我才发现，时间没有绝对。 but damn, don't reality sting. Hey, Mr. Work-a-fee, I see you working, but do you often forget that you've got a queen at home? Yeah, she sits on her throne, but she feels so alone. And the buzz around town is you creep around, so what are you working on? 7000赫，年轻的声音就在这里。 982生而不同，我们是清华大学广播台。 大家好，我们是 北京大学广播台。 我们是中国人民大学广播台。 大家好，我们是北京师范大学广播台。 我们是北京邮电大学广播台。 我们是中央戏剧学院中戏之声校园广播台。 我们是华北电力大学广播台。 这里是北京化工大学广播台。 祝贺北京青年广播 FM 982 盛夏绽放热力开播。 每天早晨叫醒我们的，除了梦想，还有活力 Music 课。 只是天生幽默，干嘛这样转过头不理我？好吧，宝贝，是我哪里做错，说错加搞错，冷静一下别发火。不要生气，我说100次对不起。不要叹气，吵架什么了不起。 我说男生的无所谓，都是自以为，我们女生一回 还是每个月的亲戚爱了我，干嘛这样，我受不了折磨、好吧宝贝，就当这是我不对，怪我拜托，来吧微笑别闪躲，不要生气，我说一百次对不起，不要叹气，吵架什么了不起， 我说那些都无所谓，都是自以为我们女生一回一回又再给你机会，请你别理由一堆，别再傻傻自以为怎么学也不会，是误会是输在是你不对，说什 么啊， I can do anything today. I can

never born. I'm a little lover boy. Yeah, I love my Lena, she's long and lean. You mess with her, you see a man get mean. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Changed the way I feel at all. 7点整，未来的时间刻度982，下一秒就是未来。 北京人民广播电台青年广播 FM 98.2兆赫 AM 927千赫，聆听未来，生而不同。 每颗年轻的心都是一个特立独行的世界，不沉迷过去，也不虚构未来，轻狂着别人的成规，握守着自己的勇敢。年轻不计年龄， FM 98.2兆赫， AM 927千赫，生而不同。 活力982，生而不同。大家好，我是张斌，祝贺北京青年广播 FM 98.2盛夏绽放热力开播。 大家好，我是归珠雨，欢迎收听 FM 98.2北京青年广播，年轻的声音就在这里， 既好听又好看，欢迎大家关注北京青年广播活力982。大家好，我是韩小木。 Hello 大家好，我是赵赵，欢迎收听 FM 98.2北京青年广播，年轻的声音就在这里。 大家好，我是凯叔讲故事里的凯叔，欢迎收听 FM 98.2兆赫北京青年广播。 吃早餐啦， 今天你想吃什么？ 来份豆浆油条。 我知道你和我就像是豆浆油条， 或者开水配白面包，或者哦，来一杯卡布奇诺也不错。 没问题，活力音乐早餐，填饱你的耳朵，欢迎光临活力 Music 课。 Stay in. Welcome to my house, baby. Take my

year I'm like a kid again. I hope I don't grow out of it, so hurry back again. Oh, holiday. I close my eyes and make a wish, but I can't tell you what it is. Oh, it's been magic since you came, and now you're here, I hope you stay. And now you're here, I hope you stay. I hope you stay. 算疲惫也要大口呼吸，哪怕一瞬间热泪盈眶，还要倔强面对每一次，勇敢慢慢领悟，慢慢欣赏耀眼的光，对我们的青春插上翅膀，爱的力量御风狂舞，不怕受伤，砥砺前行，起不走的太阳，我们的名字无限延长，青春飞翔，有梦的地方，耀眼的光，为我们的青春插上翅膀，爱的力量，御风狂舞，不怕受伤，砥砺前行，起不走的太阳，我们的名字无限延长， singing a song in the blue sky, but you are in your dream, they are not on your mind. Unfortunately today is your work day, time's a fellow was squeezing the subway, but you are in your dream. Time's up, oh baby, get up, get up, get up, get up, bala bala, get up, get up.Get up, bala. I know you don't wanna get up, but darling, sweetie, honey, if I'll be struggling, you hear the ringing. Get up, get up, get up, get up, bala, bala. Get up, get up, get up, bala. What are you doing? Wallow in your dream. I am kidding. You hear the ringing.Oh baby, get up, get up, get up, get up, bala bala, get up, get up, get up, bala. I know you don't wanna get up, but darling, sweetie, honey, give up struggling. You hear the ringing? Get up, get up, get up, get up, bala bala, get up, get up, get up, bala. What are you doing? Wallow in your dream. I am again. You hear the ring?Get up, get up, get up. No, you don't wanna get up, darling, sweetie, honey. Give up struggling, you hear the ringing. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. What are you doing? Wallow in your dream. I ain't kidding. You hear the ring, you hear the ring, you hear the ring, you hear the ring, you hear the ring. 是为了离开家，现在没有水和车，只剩下从三拉去冬夏。我走了那么长的路，慢慢来，总能走到天涯。心爱的姑娘不懂路，祝福她，目送她离开吧。 我是一个80后，小时候香港很远，小时候的香港是哥哥姐姐放假必追的港剧。学生时代香港是